Chapitre 12e. L'atelier que Madame d'Alifard avait offert à sa belle-fille dans sa propriété de Nogent était primitivement une orangerie. C'était un vieux bâtiment construit au XVIIIe siècle avec un certain luxe architectural. Les pierres de la façade en bossage étaient vermiculées et de chaque côté de la porte d'entrée, deux cariatides avaient été sculptées, soutenant sur leur dos voûté un médaillon. Au-dessus de cette orangerie, plantée au nord, trois marronniers séculaires étendaient leurs branchages. Quand on avait transformé ce bâtiment en atelier, le seul changement extérieur qu'on lui avait fait subir avait consisté à établir dans la toiture un vaste châssis vitré pour que la lumière vînt d'en haut et à fermer les larges fenêtres par lesquelles il prenait jour autrefois. De la maison de Nogent, c'était la seule pièce qui appartint en propre à Juliette. Personne n'y pénétrait sans son autorisation. Lorsqu'elle arrivait de Paris, affamée de maternité, c'était là qu'elle venait s'enfermer avec son fils pour l'embrasser à son aise et le manger de caresses. Alors cette partie du jardin ordinairement déserte s'égayait, et l'on entendait les rires confondus de la mère et de l'enfant. À son retour de Suisse, dans la première année de son mariage, Juliette était venue assez souvent travailler. Mais depuis longtemps, elle ne faisait plus de peinture. À quoi bon et pour qui? Son mari, il est vrai, parlait quelquefois de peinture avec elle, mais ils ne s'entendraient plus. Lui, qui, autrefois, partageait tous ses goûts et adoptait toutes ses opinions, s'était fait maintenant une manière indépendante, et quand, le 1er mai, ils allaient ensemble à l'ouverture du salon, ils n'étaient plus d'accord comme autrefois. Un moment émancipé par l'amour, Adolphe était revenu aux traditions et aux idées que son éducation lui imposait. Il trouvait sa femme révolutionnaire en fait d'art et la blâmait. Il y a des règles établies qu'on doit suivre, des principes qu'on doit respecter. Et puis, à ses sages théories, se mêlaient chez lui des sentiments personnels. Les applaudissements que Juliette adressait à d'anciens camarades le blessaient. Dans une sorte de jalousie rétrospective, il en voulait à ses artistes d'avoir été autrefois les amis de sa femme. Et jusqu'à un certain point, il était fâché de leur reconnaître du talent. Il argumentait pour ne pas en faire l'aveu, et de parti pris, il soutenait qu'ils étaient surfaits par la camaraderie des journaux, et qu'ils n'auraient pas de récompense. Quand le jury lui donnait raison, il jouissait de ce petit triomphe, comme s'ils eussent été pour lui des rivaux. Dans ces conditions, Juliette n'avait plus de goût pour travailler, et quand maintenant elle prenait un crayon, c'était pour amuser son fils et lui dessiner d'une façon enfantine des animaux ou des objets qui parlaient à son esprit, éveillaient sa curiosité ou provoquaient son rire. Mais ce n'était pas là de l'art, et pour cela il n'était pas nécessaire d'avoir un atelier. C'était ce que Madame d'Alifard lui disait souvent. Si j'avais su que cet atelier devait si peu servir, je n'aurais pas mis mes orangers dehors. Il me sert cependant. À quoi donc? À réfléchir et à rêver. La belle affaire, et ne peut-on pas rêver dehors? Moi, je rêve dans mon lit. Juliette ne répliquait rien, mais elle allait s'enfermer dans cet atelier et tourner la clé avec un sentiment de délivrance. Enfin, elle était chez elle et n'avait pas à craindre qu'on vînt la troubler. Elle restait là de longues heures, l'esprit perdu dans le passé, rêvant, comme elle disait à sa belle-mère, regardant les tableaux qui étaient accrochés au mur. Celui qu'elle avait peint en Suisse et qui lui rappelait le meilleur temps de sa vie de mariage, ou bien le Summer de Francis Herold, qui la ramenait dans les régions élevées de l'art et l'arrachait à la réalité. Un matin, Madame d'Alifard, venant de Nogent, arriva rue des Vieilles Haudriettes, la figure troublée. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Adolphe. « Ah, petite maman, » dit Félix en embrassant sa mère, « tu vas avoir du chagrin. » « Il y a, » dit Madame d'Alifard, répondant au regard fixé sur elle, « que nous avons eu cette nuit un orage terrible, une pluie diluvienne et un tonnerre épouvantable. »« Bonne maman avait peur, » interrompit l'enfant. « Elle ne voulait pas le dire, mais je l'ai bien vu. »« Enfin, » continua Madame d'Alifard, « le tonnerre est tombé sur un des marronniers de l'atelier. Il a fracassé une grosse branche qui a enfoncé le châssis de l'atelier. »« L'atelier a été inondé ?»« Entièrement. » Et l'un des montants du châssis a crevé le semeur. « Crevé le semeur ?» s'écria Juliette. « S'il n'y avait que le semeur d'abîmé, mais les tapisseries sont perdues et les collections de gravures sont mouillées. La pluie a pénétré partout puisque c'est seulement ce matin qu'on s'est aperçu du désastre. Dans quel état est le semeur ? Demanda Juliette. Déchiré du haut en bas. Mais les tapisseries sont encore bien plus gravement abîmées. Les tapisseries, ce n'est rien. On voit bien que l'argent ne vous coûte rien, vous. Des tapisseries qu'on ne peut pas refaire, puisqu'elles datent de 200 ans. Si je pouvais dire que ce n'est rien que tous ces dégâts, j'appliquerais ce mot au semeur, qu'on peut recoudre. Et puis le peintre est vivant, et si vous tenez tant à ce tableau, vous lui en commanderez un autre. Payé 6 000 francs il y a 5 ans, quand Francis Hérold n'avait pas encore de réputation, le semeur vaut aujourd'hui 20 000 francs, dit Adolphe. Juliette voulut aussitôt partir pour Nogent, et Adolphe l'accompagna. Les dégâts, en effet, étaient considérables. Le châssis, cédant sous le poids de la branche, était tombé tout entier dans l'atelier, où la pluie avait achevé ce que les éclats de bois et les morceaux de verre avaient épargné. Une tringle de fer, éraflant le semeur, l'avait déchiré non pas de haut en bas, comme l'avait dit Madame d'Alifard, mais sur une assez grande longueur. Cependant, le malheur n'était pas aussi grand que Juliette l'avait craint, et la toile pouvait être réparée. « Tu es certaine que cela peut se réparer ?» demanda Adolphe, qui tenait à son tableau et était fier de l'avoir acheté quand Hérold était encore presque inconnu. « Je le crois. Seulement il y aura des parties à repeindre, et le maître seul qui a peint un tableau aussi remarquable peut le retoucher. Eh bien, on s'adressera au maître. Il doit tenir à son œuvre. » On avait commencé par le semeur, on continua ensuite la reconnaissance des dégâts. Le petit tableau que Juliette avait peint aux avants était complètement haché. « Notre pauvre chalet, » dit-elle tristement, « tu le referas. » « Cela me serait impossible maintenant. S'il le faut, nous retournerons aux avants. » « Quand même, nous y retournerions. Cela me serait impossible. On ne revient pas 5 années en arrière. » « Alors, Francis Hérold ne pourra pas repeindre son semeur ?»« Le semeur est une œuvre d'art. Mon tableau était une œuvre de sentiment. » Un accident. Les accidents ne se répètent pas. « Faut-il faire réparer l'atelier ?» demanda Madame d'Alifard. « Ou bien l'abandonnez-vous »« Je vous serai reconnaissante de le faire remettre dans l'état où il était. C'est bien assez de ce petit tableau détruit. Je serai malheureuse de ne pas retrouver les choses que j'aimais. »« Je me charge de la toiture et des tapisseries, » dit Madame d'Alifard. « Chargez-vous des tableaux. » Pendant qu'on travaillait à la toiture, Juliette s'occupa de faire réparer la toile du semeur et de chercher l'adresse de Francis Hérold. Ordinairement, rien n'est plus facile que de savoir où un peintre demeure. Il n'y a pour cela qu'à ouvrir un livret d'exposition. À la suite du nom de l'artiste, et après l'indication des maîtres chez lesquels il a étudié, et des récompenses qui lui ont été décernées, se trouve son adresse. Mais Francis Hérold n'avait point exposé au dernier salon, et le livret de l'année précédente donnait son adresse chez un marchand de tableaux, ce qui signifiait qu'à cette époque, il n'habitait pas Paris. Juliette alors pensa à demander le renseignement qu'elle désirait au peintre qui lui avait parlé le premier de ce tableau du semeur, et qui par là l'avait fait acheter à Adolphe. Ami d'Hérold, il devait fournir facilement toutes les indications nécessaires. Elle communiqua cette idée à son mari. « Ce Godefroy est le peintre qui copiait la maîtresse du Titien pendant que tu copiais le Richelieu ?» dit Adolphe. « Tu te rappelles ?»« Parfaitement. Et il m'a assez déplu alors par la façon dont il te regardait, et les libertés qu'il prenait pour désirer n'avoir aucune relation avec lui. Cependant, nous irons lui demander nos renseignements, et voilà tout. Ma présence l'empêchera peut-être de se souvenir qu'il a été ton camarade. Quelle folie ! Assurément, je ne suis pas jaloux. » Mais ce n'est pas affaire de jalousie, c'est affaire de dignité. Je ne veux pas qu'on s'autorise d'une ancienne camaraderie pour ne pas te traiter avec le respect qui t'est dû. » Quand le peintre Godefroy apprit l'accident arrivé au tableau de son ami, il poussa Léo cri. « Je l'ai toujours dit, » s'écria-t-il. « Quand un bourgeois se permet d'avoir un chef-d'œuvre chez lui, il doit être astreint à des précautions de la plus grande sévérité. Ainsi, je voudrais qu'il lui fût défendu de se chauffer, parce que le feu engendre les incendies. De fumer, parce que la fumée noircit les tableaux, d'avoir des fenêtres au midi, parce que le soleil fendit les vernis, etc. Jamais tableau n'avait été placé dans de meilleures conditions que celui de M. Hérold, dit Adolphe, qui répondait toujours sérieusement. Le bâtiment était isolé dans un jardin. Il y avait des arbres dans votre jardin, et il n'y avait pas de paratonnerre sur votre bâtiment. Enfin, le mal est fait. Il faut voir maintenant s'il est réparable. Assurément, Erol fera tout ce qu'il pourra pour remettre son tableau en état. C'est celui qui l'a mis hors de pair et a commencé sa réputation dans le public. Aussi a-t-il conservé une véritable affection pour ce premier-né. Et il m'en parlait encore il y a quelques jours. Il avait envie de le revoir. Car voilà ce qu'il y a de terrible pour nous autres peintres. Nous mettons ce que nous avons de vie et de talent dans un tableau. On nous l'achète, on l'enferme, et nous ne le revoyons plus. Nous aurions été heureux de recevoir M. Erol, dit Juliette. Oui, mais Erol est un sauvage qui ne fait pas facilement des visites. Cependant, il aurait été chez vous plutôt que chez personne. Il vous est reconnaissant de lui avoir acheté son tableau et vous considère comme une amie inconnue. Nous avons pour le talent de M. Erol l'admiration qu'il mérite, dit Adolphe, et nous serions heureux qu'il nous fît l'honneur de venir voir son tableau. Comptez qu'il ira. Depuis 6 mois, il a son atelier rue de Boulogne, et quand il n'est pas à Paris, il est à Chenevière, chez sa mère. Pour juger le talent d'Erol, il suffit de voir un de ses tableaux. Mais pour le connaître, lui, il faut le voir avec sa mère. C'est une vieille paysanne qui s'est dévouée à son fils, qu'elle adore comme son Dieu. Pour être près de lui et lui éviter des voyages fréquents dans les Cévennes, son pays, elle a voulu venir habiter Paris. Alors Francis a acheté une petite maison à Chenevière pour ne pas briser tout à coup ses habitudes de campagnarde. Quand il n'est pas à Paris, il est chez elle. Je crois même qu'en ce moment il est à Chenevière pour 2 ou 3 jours. Voulez-vous que je lui écrive ? Je vous remercie, dit Juliette. Chenevière est tout à côté de Nogent, nous pourrons les présenter nous-mêmes notre demande à M. Erol. « Et elle sera bien accueillie. Vous ne connaissez pas Erol, n'est-ce pas ?»« Non, je ne crois pas l'avoir vu. »« Eh bien, l'homme vaut l'artiste, c'est tout dire. »